Alors là, après, il décline aux États-Unis, c'est là qu'il arrive en Europe. C'est là qu'il arrive en Europe. Le centre de gravité de la planète drogue va passer surtout en Angleterre, quoi. En France, il va y arriver aussi. Voilà. On arrive à ce qui va se passer un peu ici chez nous, au début de ces années 60. Bon, on pense que le rock a été implanté ici en France par Johnny. Ça vient à l'idée. Quand on pense arriver du rock, on pense à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a gravé son premier 45 tours en 1960. Mais avant, il y avait un garçon comme Richard Anthony. Richard Anthony qui a fait comme une adaptation en 59 de Peggy Sue de Buddy Holly qu'on a vu. Bon, il avait quand même fait un peu de rock, hein. Mais Johnny, c'est celui qui l'a popularisé, quoi, voilà. Mais c'est pas ce qu'on appelle le premier chanteur de rock and roll français. À cette période-là, ça va être l'âge d'or des groupes, hein, comme les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, qui vont aussi faire quelques rock, des rock, surtout des adaptations, hein. L'arrivée du rock en France au début des années 60, c'est essentiellement des reprises des titres de Presley, de tous les pionniers du rock américain qu'on vient de voir précédemment. Donc, alors là, voilà. En 62, 61, 62, ici c'est le twist, hein, le twist avec les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages. Tandis qu'en Angleterre, en 62, c'est déjà les Beatles ont gravé leur premier disque, hein. 62, en octobre 62, ça va être les 50 ans du premier disque des Beatles. Les Beatles, nous, quand on fait des reprises, qu'on danse le twist, eux, ils chantent ça, Love Me Do. Voilà, là, ils sont déjà bien plus avancés. C'est le premier disque des Beatles, c'est le premier titre des Beatles enregistré en octobre qui arrive, là. Donc ça voilà, c'est plus tout à fait du rock and roll. On arrive dans une évolution du rock and roll des jours et jeunes vers ce qu'on appelle la pop music, quoi. Là on a déjà changé le rock, les trois accords du rock ne sont plus là. C'est déjà un petit peu plus élaboré. Il y a des accords mineurs et tout ça. Ça change. Donc nous en 62, il y a comme des l'année précédente en France, il faut quand même le signaler, avait eu lieu le premier festival de rock au Palais des Sports en 61 avec Johnny Hallyday et quelques chanteurs anglais qu'on connaît même plus depuis longtemps, hein. Il y avait aussi les Chaussettes Noires. Comme il y a eu pas mal de succès, un deuxième festival de rock a eu lieu au mois de juin 61. Donc ça, c'est des dates.